lèvres, une jupe glissée sur les cuisses. Tu sens la nuit, ses grelots. Tu me mots comme les galaxies qui tournent. Pas de plafond sur nos rêves, pas de plafond. Pas de plafond sur nos rêves, pas de plafond. Les bouts de tes cils sont froids, les bras brillants des étoiles. Au vide de mon oreille, tu murmures des nuages. Des nuages qui ne soupireront pas, garderont leurs larmes cachées dans le pli, qui se perceront un été dans un champ assoiffé. Pas de plafond sur nos rêves, pas de plafond. Pas de plafond sur nos rêves, pas de plafond. Sur mon ventre, la nuit a transpiré de tes mains, a transpiré des constellations, des comètes, des fleurs de Mars, des dentelles de Mercure. Ton lit a débordé de tout l'univers. Pas de plafond sur nos rêves, pas de plafond. Pas de plafond sur nos rêves.